إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. أوكي، طيب، خير إن شاء الله. Donc on commence le chapitre qu'on va faire. Au dernier cours on a terminé un chapitre qui... Parce que là, on est dans Kitab al-Salat, okay, le chapitre au sujet de la Salat. Et le premier chapitre dans Kitab al-Salat, c'est Bab al-Mawaqit. Bab al-Mawaqit, c'est-à-dire à propos des temps, hein, des temps de la prière. Quand est-ce que les temps de chaque prière commencent et quand est-ce que le temps de chaque prière termine. Donc, on a terminé cette partie-là. Maintenant, on arrive à un autre chapitre, et ce chapitre s'intitule Babun fi shay'in min makruhat as-salah. Babun fi shay'in min makruhat as-salah. C'est-à-dire un chapitre au sujet de quelques-unes des choses qui sont détestables dans la salat. Et le titre en question, il faut comprendre ici, le cheikh il dit dans la note de bas de page, هذه ترجمة وضعتها لأن هذين الحديثين موضوع مستقل يحسن إفراده. Donc le charih, c'est-à-dire le cheikh qui a fait le charh, cheikh Abdullah Al-Bassam, il a rajouté des chapitres parfois. Il a rajouté des chapitres ou des sous-chapitres pour clarifier le sujet de certains hadiths, parce qu'ils n'étaient pas présents dans Umdatul Ahkam à la base, mais il les a rajoutés pour que ce soit plus clair. Dans ce chapitre, il y a deux hadiths, et comme j'ai dit, c'est au sujet de makruhat salat, les choses qui sont détestables durant la salat. Donc le cheikh il explique premièrement certaines notions des terminologies. Donc il dit al-makruhu 'inda al-usuliyyin huwa ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu wa makruhat as-salati ashya'un takhillu bikamaliha wa la tubtiluha wa hiya kathiratun dhakara al-mu'allif minha ma yatadammanu hadhan al-hadithan. Donc le cheikh il explique premièrement, qu'est-ce que signifie al-makruh? Il dit al-makruh, selon les savants de usul al-fiqh, on les appelle en arabe al-usuliyoun. Al-usuliyoun, on les appelle les usuliyoun, pourquoi? Parce que ce sont les savants de usul, c'est-à-dire usul al-fiqh. Et selon les savants de usul al-fiqh, la définition de qu'est-ce qui est makruh, de qu'est-ce qu'on traduit par détestable, c'est ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Donc c'est celui qui l'abandonne ou celui qui ne le fait pas, il est récompensé, mais celui qui le fait, il ne sera pas puni. Celui qui le délaisse, il ne sera pas, il sera récompensé. Celui qui ne le fait pas, il sera récompensé. Mais celui qui le fait ne sera pas puni. D'accord ? Je répète encore une fois. Si tu le délaisses, tu seras récompensé, mais tu ne seras pas puni si tu le fais. D'accord ? Ça, c'est al-makruh. Maintenant, on est dans la page 105, dans la tab'a. Si vous voulez savoir, la tab'a, c'est la tab'a de Maktabatul Irshad d'Ar Ibn Hazm. C'est le sharh de Taysir al-Allam, sharh Umdat al-Ahkam, écrit par Sheikh al-Allama Abdullah ibn Abdurrahman ibn Salih al-Bassam. Sheikh al-Bassam. Si vous regardez sur... par exemple, Google, par exemple, et que vous faites la recherche, vous écrivez Taysir al-Allam en arabe, Sharh Umdat al-Ahkam, PDF, en lettres latines, vous écrivez PDF, eh bien, vous allez trouver un endroit pour télécharger, oui, al-Bassam. Vous allez trouver directement, Taysir al-Allam, vous allez trouver directement. Puis vous pouvez télécharger la même version et la même tab'a que celle que j'utilise, dans un seul fichier. Et yani c'est 105. Non. Donc on a expliqué qu'est-ce que signifiait al-makruh. C'est quoi al-makruh, muslim? Oui, c'est ça. Donc si tu le délaisses, t'es récompensé. Si tu le fais, tu ne seras pas puni. C'est ça le makruh. D'accord ? C'est le contraire de ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est mustahab. Mustahab, si tu le fais, tu vas être récompensé. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas puni. C'est le contraire. Ok. Makruhat as-salat ashiya takhillu bi kamaliha. Donc, les choses qui sont détestables dans la salat, c'est des choses qui viennent diminuer la perfection de ta prière, mais elles ne vont pas l'annuler complètement. Elles viennent juste diminuer la perfection de ta prière. Et il y en a de nombreuses choses qui sont détestables durant la salat. Le cheikh, à la base, Abdul Ghani Al-Maqdisi, celui qui a écrit le livre, il n'a pas ramené les hadiths qui parlent de toutes les choses qui sont makruh dans la salat, mais il a mentionné quelques-unes. Et il a ramené deux hadiths à ce sujet-là. D'accord ? Et ça, c'est les deux hadiths qu'il a cités, qui sont les suivants. Le premier hadith, al-hadith al-khamsoun, c'est le hadith numéro 50. An Aisha radiyallahu anha, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. الله المستعان. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر وعن ابن عمر نحوه. J'ai dit العشاء mais c'est العشاء. Je lisais pas qu'est-ce que je voyais, je lisais qu'est-ce que mon subconscient me disait. الله المستعان. Bon, c'est un hadith qui est rapporté selon Aïcha radiallahu anha, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, lorsqu'on a établi la salat, on a fait l'iqama, et que le souper est servi, le repas est servi, commencez par le repas. Al-Asha, c'est la nourriture qu'on mange le soir. Et c'est rapporté donc par Al-Bukhari et Muslim, et comme tous les hadiths dans Umdatul Ahkam sont soit de Al-Bukhari, soit de Muslim, ou soit des deux ensemble. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Ok. Et il y a la même narration ou un hadith semblable qui est rapporté également selon Ibn Umar radiyallahu anhuma. Il dit le al-ma'na al-ijmali, le sens général de ce hadith. يطلب في الصلاة الخشوع والخضوع وحضور القلب لأن ذلك هو روح الصلاة، وبحسب وجود هذا المعنى يكون تمام الصلاة أو نقصها. فإذا أقيمت الصلاة والطعام أو الشراب حاضر، فينبغي البداءة بالأكل والشرب حتى تنكسر نهمة المصلي ولا يتعلق ذهنه به، وكي لا ينصرف قلبه عن الخشوع الذي هو لب الصلاة. هذا ما لم يضق عليه الوقت، فإن ضاق فحينئذ يقدم الصلاة في وقتها على كل شيء، لأن المستحب لا يزاحم الواجب، لا يزاحم الواجب. Donc le cheikh il explique le hadith qui est rapporté selon Aïcha radiallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si on a établi la salat et qu'on a présenté le repas, alors commencez par le repas. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le sens général, c'est qu'il faut comprendre que la concentration et l'humilité et la présence du cœur, ça c'est des choses qui sont exigées dans la salat, et que c'est ça en réalité l'âme de la salat. Et que c'est comme ça, c'est ça qui va déterminer si la prière sera complète ou si elle sera déficiente. C'est-à-dire, si selon la présence du cœur que tu as dans ta prière, selon la concentration, selon l'humilité que tu as dans ta prière, c'est ça qui va déterminer si ta prière est complète ou si elle est déficiente. Et donc lorsque la prière est établie et qu'on a servi en même temps de la nourriture ou on a servi quelque chose à boire, eh bien tu dois commencer par le fait de boire ou manger, pour ne pas que ton esprit soit occupé ou accroché à quelque chose d'autre que ta prière, et pour pas que ton cœur soit distrait, puis que tu perdes ta concentration, et ton humilité et ta dévotion. Parce que c'est ça le cœur, c'est ça le centre de la prière. Et donc, ça c'est dans le cas où tu crains pas que tu manques de temps. Tu crains pas que tu manques de temps. Mais par contre, si tu crains que tu vas pas avoir assez de temps pour terminer, dans ce cas-là, tu peux donner précédence à la salat. Parce que quelque chose qui est recommandé, il ne peut pas bousculer ce qui est obligatoire. Ne peut pas venir prendre la place de ce qui est obligatoire. D'accord? Donc, si tu n'as pas beaucoup de temps, dans ce cas-là, tu peux donner précédence à la salat et tu fais la prière dans son temps. Parce que la prière, elle passe avant toute chose. Ouais. Si le temps est serré. Ouais, le temps est pas tellement long. Et donc c'est ça qu'il dit le cheikh, il dit "Inna al-mustahab la yuzahim al-wajib." Il dit "Ma yu'khadhu min al-hadith." Le cheikh il a mentionné 4 points de qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait dans ce hadith là. Al-awwal anna at-ta'am wash-sharab idha hadara waqt as-salah quddima 'alayha ma lam yadhiq waqtaha fa tuqaddam 'ala ayyati hal. Il dit, la nourriture et le breuvage, si c'est présent au temps de la salat, eh bien on va donner précédence à ça en premier, si le temps n'est pas trop serré. On doit donner précédence à la nourriture et au breuvage, tant que le temps n'est pas trop serré. Deuxième point, ظاهرُ الحديث سواء كان محتاجا للطعام أو غير محتاج ولكن قيده كثير من العلماء بالحاجة أخذا من العلة التي فهموها من مقصد الشارع. Il dit, deuxième point, dans le sens apparent du hadith, ça ne tient pas compte du fait que tu aies besoin de manger ou non. D'accord? Donc que tu aies faim ou que tu n'aies pas faim, que tu aies soif ou que tu n'aies pas soif, si on a servi la nourriture et que tu n'as pas, peu importe que tu aies besoin de manger ou non, ou de boire ou non, tu dois donner précédence à la nourriture et au breuvage. Mais certains ulama ont limité et restreint ce hadith-là aux besoins, en prenant la cause du fait que ça fait partie des objectifs de la charia. Qu'est-ce qui fait partie des objectifs du législateur? Ils ont compris ça des principes, hein, du fait qu'ils disent que si tu as besoin de nourriture, dans ce cas-là, c'est dans ce cas-là que tu dois donner précédence à la nourriture plutôt que de faire la prière, parce que c'est dans ce cas-là que tu vas réfléchir ou penser à la nourriture pendant que tu fais la salat. Toutefois, si t'as pas envie de manger, si t'as pas besoin de manger, eh bien, si tu vas prier, tu vas pas penser à la nourriture, même si la nourriture est présente. Le point numéro 3, anna hudur at-ta'am la anna hudur at-ta'am lil muhtaj ilayhi 'udhrun fi tark al-jama'ah 'ala an la yaj'ala waqt at-ta'am huwa waqt as-salah da'iman wa 'adatan mustamirra. Donc il dit que, comme point numéro 3, le fait que la nourriture soit présente et servie pour la personne qui a besoin de manger, que c'est une excuse pour ne pas faire la jama'a, donc pour ne pas prier en jama'a, c'est-à-dire pour abandonner la jama'a. Mais à condition qu'il ne fait pas de ça une habitude, c'est-à-dire de servir la nourriture à un temps où c'est le temps de la salat. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui se répète constamment et qui devient une habitude permanente. Hein, quelqu'un qu'à chaque jour on lui sert la nourriture et c'est toujours au temps de la salat, ça c'est pas correct. Le point numéro 4, أن الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمناجاة. Le point numéro 4, c'est que la concentration et l'humilité dans la salat et de délaisser toutes les préoccupations, c'est quelque chose qui fait partie de l'importance. Yanni, dans la prière, c'est quelque chose qui est exigé. Tu dois te débarrasser de toutes les préoccupations de ton esprit et faire en sorte que tu aies une concentration et une humilité dans la salat pour que ton cœur soit présent lorsque tu invoques Allah et que tu parle avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ta prière. Mais si tu es préoccupé par plein de choses dans ton esprit, puis que tu penses à beaucoup de choses, et que tu penses à manger, ta soif, ou des choses comme ça, eh bien dans ce cas-là, yani, tu ne vas pas être concentré correctement. Dans ce cas-là, ce n'est pas correct. Le hadith suivant, al-hadith al-hadi wal-khamsoun, hadith 51, ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام وهو يدافعه الأخبثان ولا وهو يدافعه الأخبثان. Donc c'est rapporté selon Muslim, par l'imam Muslim, selon Aïcha, radiyallahu anha, qu'elle a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, il n'y a pas de prière en présence de la nourriture, ni lorsque la personne a une envie d'aller faire ses besoins, soit d'uriner ou autre. Donc s'il a envie, dans ce cas-là il doit aller faire ses besoins puis faire sa prière. Mais on va expliquer ça, il y a des détails là-dessus, puis on va voir qu'est-ce qui est expliqué en détail là-dessus. المعنى الإجمالي للحديث تقدم في الحديث السابق في رغبة الشارع الأكيدة في حضور القلب في الصلاة بين يدي ربه، ولا يكون ذلك إلا بقطع الشواغل التي يسبب وجودها عدم الطمأنينة والخشوع. ولهذا فإن الشارع ينهى عن الصلاة بحضور الطعام الذي نفس المصلي تتوقى إليه وقلبه متعلق به، وكذلك ينهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين اللذين هما البول والغائط، لأن الصلاة الحاقن أو الحاقب غير تامة لانشغال خاطره بمدافعة الأذى. Donc le cheikh il dit, on a expliqué dans le hadith précédent le désir, lorsque quelqu'un il a désir, ou bien plutôt il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu de façon certaine que la personne qui fasse sa prière elle ait la présence de cœur devant son Seigneur et que la personne soit libérée de toutes les préoccupations qui pourraient le distraire et qui peuvent faire en sorte que la personne elle n'aura pas la tranquillité dans sa prière et la concentration ou la dévotion et l'humilité. Il dit c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit la prière dans la présence lorsque la nourriture est servie. Il dit que surtout lorsque l'âme de la personne elle a envie de ça puis elle est accrochée à ça. Donc toi tu vas prier puis ton cœur pense à la nourriture au lieu de penser à la prière. Donc ça c'est pas correct. C'est pour ça que c'est interdit. Et il dit de même que la personne elle prie puis elle est en train de se forcer pour retenir de pas faire ses besoins. C'est-à-dire elle a une envie, elle a envie d'uriner ou bien elle a envie d'aller faire ses besoins et elle fait sa prière puis elle se retient pendant sa prière. Donc au lieu de se concentrer à faire sa salat, elle se concentre à l'intérieur à se retenir de faire ses besoins. Et ça, c'est pas correct. Et il dit salat al-haqin ou al-haqib. Et ça, c'est deux mots en arabe. Deux mots en arabe. Al-haqin, c'est celui qui retient son urine. Ou al-haqib, c'est celui qui retient ses excréments, qui se retient de faire ses besoins. Donc il y a des mots spécifiques pour ça. Al-haqin. Oui. Ha, alif, qaf, nun. Ça c'est pour l'urine. Et le deuxième, al-haqib, c'est al-ha, alif, qaf, ba. Donc il dit que la prière de la personne qui est haqin ou haqib, elle n'est pas complète. Pourquoi? Parce qu'il est préoccupé par la pensée d'aller aux toilettes et de faire ses besoins. Il se retient pour pas perdre son wudu et pour finir sa salat. Donc ça c'est pas une prière avec la concentration. Ikhtilaf ul-ulama. Donc maintenant on va parler de la divergence des ulama au sujet de cette question. أخذ بظاهر الحديث الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية فلم يصحح الصلاة مع وجود الطعام ولا مع مدافعة أحد الأخبثين وعدوا الصلاة باطلة إلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام. نعم. والظاهرية شذوا فلم يصححوها مطلقا، وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال، وقالوا إن نفي الصلاة في هذا الحديث نفي لكمالها لا لصحتها. Donc le cheikh il explique les divergences à ce sujet. Premièrement, il explique que al-Zahiriya, le madhhab al-Zahiri de Ibn Hazm et Abu Daoud al-Zahiri, ça c'est un madhhab qui refuse le qiyas. Il refuse l'analogie et le qiyas. Donc ils prennent toujours selon le sens du hadith. Et s'il n'y a pas de hadith, yani, disons, yani, Allahu a'lam. Cheikh al-Islam, il les a critiqués pour cette position-là, et beaucoup de ulama aussi les ont critiqués pour ça. Et Cheikh al-Albani aussi, il en a parlé de ça, il a dit que même si parfois ils renient le qiyas, mais parfois ils sont forcés même à le faire. Donc ils le font même s'ils prétendent qu'ils sont contre. Parce que des fois, ils n'ont pas le choix. Et il dit, donc, al-Zahiriya, ils ont pris le sens apparent du hadith, et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lui aussi, il a pris le sens apparent dans ce hadith-là, et il dit que la prière de la personne qui prie alors que la nourriture est servie, elle n'est pas valable. De même que la personne qui prie alors qu'elle est en train de se retenir, soit de l'urine ou des excréments, que elle aussi, sa prière n'est pas accepté. Et ils ont considéré la prière qu'elle est batila, c'est-à-dire qu'elle n'est pas valide du tout. Excepté que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lui, il limite ça au besoin. C'est-à-dire que lorsque la personne, elle a envie de manger, ou elle a besoin de manger, dans ce cas-là, sa prière ne sera pas valable. Mais si il va prier quand la nourriture est servie et qu'il n'a pas besoin de nourriture, dans ce cas-là, sa prière sera quand même valable. D'accord? Ça, c'est Cheikh al-Islam. Tandis que al-Zahiriya, eux, non. Ils ont pris une position singulière. C'est-à-dire une position, c'est juste eux qui ont pris cette position-là, que la prière ne sera pas valable dans tous les cas. Que tu aies besoin de manger ou non, pour eux, la prière n'est pas valable. Et ça, c'est une position qui est chaz, hein, c'est-à-dire, c'est une position singulière, c'est pas la position qui est la plus adoptée chez les ulama. La position qui a été adoptée par la majorité des ulama, c'est que la prière de la personne, elle sera valable, sauf qu'elle sera détestable. C'est-à-dire, il va prier dans un état qui est détestable. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la récompense totale ou complète pour sa prière. Mais sa prière sera quand même valable. Ils ont dit que ce n'est pas pour nier la validité de la prière, ce hadith-là, mais plutôt pour nier la perfection de sa prière. Hein? Sa prière ne sera pas parfaite ou complète, mais elle sera valable. Ensuite, il dit le cheikh, وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith comme point bénéfique? Il dit, أَوَّلًا كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ عِنْدَ حُدُورِ الطَّعَامِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ عِنْدَ حُدُورِ الطَّعَامِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ وَفِي حَالِ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ ما لم يضيق الوقت فتقدم مطلقا. Il dit le fait que, premièrement, on peut tirer que il est détestable de faire la salat lorsque la nourriture est servie et que tu as envie de manger, que tu as un besoin de nourriture. Ou bien dans la situation où tu te retiens de faire tes besoins, soit uriner ou bien pour les excréments ou des choses comme ça. Souvent on dit le numéro 1 ou le numéro 2. Hein? C'est plus rapide, hein? Plus simple. Donc si tu as envie pour le numéro 1 ou le numéro 2, dans les deux cas, tu dois prier. Hein? Est-ce que tu dois prier lorsque tu as envie, numéro 1 ou numéro 2, ou bien tu vas faire tes besoins en premier, puis après tu viens faire la salat? Non, ça c'est avant. Ça c'est avant. Au moment, disons, au moment de l'iqama. Hein? On va dire que là, on fait l'iqama puis on sert la nourriture. Hein? Ou bien la nourriture est servie, puis là, il y a l'iqama. Dans ce cas-là, c'est détestable d'aller prier. Hein? Puis c'est détestable de prier si tu as envie d'aller faire tes besoins. C'est détestable de prier alors que la nourriture est servie, que tu as besoin de nourriture ou bien que tu as envie d'aller aux toilettes. Mais il dit, mais par contre, si le temps est serré, alors dans ce cas-là, tu donnes précédence à la salat. Deuxième point, inna hudur al-qalb wal-khushu' matlouban fi as-salat. Donc on peut tirer que, deuxièmement, la présence du cœur, c'est quelque chose qui est exigé dans la salat. Les deux sont exigés dans la salat. La présence du cœur et la concentration. Troisième point, yanbaghi lil-musalli ib'ada kulli ma yushghiluhu fi as-salat. Troisièmement, la personne qui fait la salat, quand il fait sa salat, il faut qu'il éloigne tout ce qui le préoccupe et tout ce qui peut le distraire de sa prière. Ok? Il doit éloigner tout ce qui peut le distraire de sa salat. Point numéro 4. أن الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة بشرط أن لا يجعل أوقات الصلوات مواعيد لما ذكر ما هو في مقدور الإنسان منها. Donc le cheikh il explique comme point numéro 4, le besoin de nourriture ou de boire ou de d'uriner ou de faire ses besoins, toutes ces choses-là sont des excuses dans le fait de délaisser la prière de Jumu'ah ou la prière en groupe, à condition qu'on ne fait pas de ces temps-là, de ces prières-là, des moments pour faire exprès d'aller dans ces choses-là, de faire ces choses-là. Hein? Tant que c'est dans la capacité de l'être humain de le faire. Donc ça c'est important. Tu vas pas faire exprès comme si à chaque fois tu as envie à ce moment-là, t'as faim à ce moment-là, t'as soif à ce moment-là, la nourriture est servie. Non, c'est pas correct. Tu dois faire en sorte que tu t'arranges pour aller faire tes besoins avant, hein, ou bien de manger et de boire après ou avant. Mais pas de faire en sorte que, par exemple, ta famille, ils servent la nourriture à chaque fois au moment où tu dois partir pour faire la salat. Ça, c'est pas normal. Le point numéro 5, قال الصنعاني واعلم أن هذا ليس في باب تقديم حق العبد على حق الله تعالى بل هو صيانة لحق الباري لئلا يدخل في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاته. Il dit, le point numéro 5, l'imam al-San'ani, l'amir al-San'ani, il dit, sache que le fait de donner précédence à la nourriture et au breuvage avant ta prière, ou bien d'aller aux toilettes avant de faire ta prière, ça, ce n'est pas le fait de donner précédence au droit du serviteur sur le droit d'Allah. Mais au contraire, c'est quelque chose qui préserve le droit du Créateur. Pour pas que la personne rentre dans son adoration avec un cœur qui n'est pas, yani, concentré, qui n'est pas tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala dans sa prière et dans son adoration. Donc en réalité, en apparence, quelqu'un pourrait dire, ah non, moi je veux pas donner précédence à des choses de la vie sur l'adoration, je veux donner précédence à Allah. Sauf que la personne, elle va prier, puis dans sa prière tout le long elle pense à la nourriture. Donc est-ce qu'elle a donné priorité à Allah réellement? Non. Tandis que quand elle va manger, elle satisfait cette faim qu'elle avait et qu'elle va faire sa prière par la suite, là au moins elle va prier, elle ne va pas penser à manger. elle va être concentrée juste sur son adoration seulement. Et donc, en agissant ainsi, elle a donné priorité à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre point, c'est le dernier point, le point numéro 6. Le Cheikh il dit, فَصَّرَ بَعْضُهُمْ الْخُشُوعَ بِأَنَّهُ مَجْمُوعُ مِنَ الْخَوْفِ وَالسُّكُونِ فهو معنى يقوم في النفس يظهر منه سكون في الأعضاء يلائم مقصود العبادة. Donc le cheikh il explique que certains ulama ont interprété le terme al-khushu' en arabe en disant que c'est yani une crainte et une tranquillité en réunie, dans le sens que la personne, quand elle fait sa prière, hein, elle va avoir cette paix, cette tranquillité et cette crainte en même temps, et qui en même temps apparaît dans les membres et qui représente en fait l'objectif même de la salat, de ressentir cette humilité et cette tranquillité, cette concentration dans la prière. Faïda. Il y a un point bénéfique que le cheikh il dit ici. قال العلماء الصلاة مناجاة لله تعالى فكيف تكون مع الغفلة وقد أجمع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل منها لقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري وقوله ولا تكن من الغافلين ولما روى أبو داود والنسائي وابن حبان مرفوعا إن العبد ليصلي الصلاة فلا يكتب له عشرها ولا سدسها فالصلاة إنما فرضت لإقامة ذكر الله فإن لم يكن في قلب المصلي تعظيم وهيبة له نقصت قيمة الصلاة وحضور القلب هو تفريغه من كل ما هو ملابس له فيقترن إذ ذاك العلم والعمل ولا يجري الفكر في غيرهما وغفلة القلب في الصلاة عن المناجاة ما لها سبب إلا الخواطر الناشئة عن حب الدنيا. Donc le cheikh explique que les ulama ont expliqué que quand tu fais ta salat, c'est comme si tu étais en train de t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala de façon intime et personnelle. Donc comment tu pourrais être dans cet état-là et dans cette salat et en même temps tu es insouciant et tu as l'esprit ailleurs et tu penses à autre chose? Ça, c'est pas normal. Alors les ulama, ils sont d'accord pour dire que le serviteur, il n'aura comme récompense de sa salat que ce qu'il a réfléchi durant sa salat. Dans le sens que tu vas avoir de ta salat uniquement ce dont tu te souviens, ce dont que tu étais conscient et que tu étais présent dans ton cœur lorsque tu le faisais dans ta salat. Tandis que les moments de ta salat où tu étais ailleurs, ou que tu pensais à autre chose, ou que tu étais dans la lune, comme on dit, ça compte pas. C'est comme si tu n'avais pas prié. C'est comme si cette partie de ta prière, tu n'auras pas de récompense pour. La partie de ta prière qui va être récompensée, c'est seulement la partie où tu étais présent, conscient et concentré. Donc, il mentionne à ce sujet-là des versets dans le Coran, comme le verset 14 dans sourate Taha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et établissez la salat pour mon rappel. » Et établissez la salat pour mon rappel. Donc, la salat, elle est établie pour le rappel d'Allah. Donc, si tu fais ta salat mais que tu ne te rappelles pas d'Allah dedans, donc il y a un problème. De même que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 205, dans sourate Al-A'raf, وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ et ne sois pas du nombre des insouciants. Et donc, ça veut dire que dans ta salat, tu dois être conscient, tu dois être présent dans ton cœur. Ton cœur doit être présent, pas juste ton corps, Hein? Des fois, tu fais les gestes avec ton corps, mais ton cœur est ailleurs. Dans ce cas-là, ça compte pas. Hein? Tu seras pas récompensé pour ça. Et il ramène un hadith aussi qui est rapporté selon Abu Daoud, An-Nasa'i et Ibn Hibban, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur, il fait sa salat, mais il n'aura décrit que son dixième, ou qu'un dixième, mais il n'aura pas décrit ni un dixième, ni un sixième pour cette prière-là. Subhanallah. Donc, ça veut dire, il prie sa prière, mais qu'est-ce qui est écrit de sa prière? C'est seulement, même pas un sixième, même pas un dixième. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas présent dans son cœur à ce moment-là quand il faisait la salat. Donc le cheikh dit, la salat, elle a été établie pour le rappel d'Allah. Et donc si le cœur n'est pas présent pour établir l'adoration d'Allah, le respect qui est nécessaire dans sa prière, alors dans ce cas-là, sa prière sera déficiente. Ça va diminuer de la valeur de sa prière. Et il dit que la présence du cœur, c'est de vider le cœur de toute autre chose, de toute autre préoccupation, et de se concentrer uniquement sur la salat. Donc, ça veut dire que ta prière, il faut qu'elle soit faite avec la connaissance et l'action. Il dit wala yajri al-fikr fi ghayrihima. Donc, ta pensée, elle doit pas se travailler, elle ne doit pas travailler, penser à autre chose que la salat quand tu pries. Elle ne doit pas penser à d'autres choses. Et il dit que l'insouciance du cœur dans la salat, lorsque tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient uniquement des pensées qui découlent de l'amour de la dunya. Donc quand tu es en train de prier et que tu penses à des choses autre que la salat, en réalité, ça veut dire quoi? Ton cœur, il est distrait. Et si ton cœur est distrait, c'est juste parce que tu as des pensées. Et ces pensées-là, ça découle de ton amour de la dunya seulement. C'est tout. Et on sait que le shaitan aussi, il essaie de te distraire. Il vient pour te distraire de ta prière. Et de te faire penser à d'autres choses. Donc, il faut rester fort dans ta prière pour te rester concentré du début jusqu'à la fin. Donc on a terminé maintenant ces deux hadiths et ce chapitre donc à propos de qu'est-ce qui est détestable. Mais si vous regardez dans les livres de fiqh, vous allez trouver beaucoup d'autres choses qui sont mentionnées comme choses détestables dans la prière. Mais étant donné que ça c'est un livre de hadith, les livres de hadith, il mentionne pas tout. Il mentionne pas toutes les règles. Mais il mentionne les plus importantes. Et parfois, certains livres de hadith, c'est les hadith qu'on appelle hadith al-ahkam, les hadiths qui parlent des règles de la charia. Eh bien, ces hadiths-là, dans certains livres, il y en a plus. Dans certains livres, il y en a moins. Et Umdatul Ahkam, c'est considéré comme un des petits livres dans les règles de Ahkam. Et les ulama, habituellement, ils encouragent ou ils incitent les étudiants à mémoriser ce livre de hadith après avoir terminé les 40 hadiths de An-Nawawi. Et là, vous voyez peut-être le Sharh comme étant un gros livre. Celui-là, il a presque 900 pages. Mais à la base, c'est un petit livre. Il y a un tout petit livre qui rentre dans la poche. Il y a des éditions de Umdatul Ahkam. Si c'est le livre sans le sharh, vous avez des petits livres comme ça, pas plus gros que ça, qui sont possibles. Tu peux le mettre dans ta poche, puis tu essaies de les mémoriser comme ça, c'est très bénéfique. Surtout après, quand tu vas écouter le sharh, tu vas comprendre la signification de ces hadiths-là avec les paroles des ulama. Le chapitre suivant, c'est Bab Awqatun Nahi. Bab Awqatun Nahi. C'est-à-dire le chapitre qui parle au sujet des temps qui sont interdits, dans lesquels il est interdit de prier. les temps dans lesquels il est interdit de prier. Et comme le cheikh il le dit, هذا الباب من وضعي جعلته لكون أحاديثه بحثا مستقلا. Il dit, c'est moi qui a mis ce chapitre-là, ce titre-là, c'est moi qui l'a mis. Il n'était pas là à la base, mais étant donné que les hadiths parlaient de ce sujet-là en particulier, donc j'en ai fait un chapitre indépendant. Donc, ça c'est le Sharih qui dit ça, c'est-à-dire Cheikh Abdullah al-Bassam. Il dit, حضرت الصلاة في أوقات معينة لحكم يعلمها الشارع أو حضرت الصلاة في أوقات معينة لحكم يعلمها الشارع كالابتعاد عن مشابهة الكفار في وقت عبادتهم وأوقات النهي ثلاثة الأول من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قيد رمح والثاني حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتفاع حتى تبدأ في الزوال والثالث من صلاة العصر إلى المغرب إلى الغروب. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit de faire la salat dans des temps bien spécifiques pour une raison qu'il connaît et pour une sagesse qu'il connaît. Et il dit que, comme par exemple, le fait de s'éloigner de la ressemblance aux kuffars dans les temps dans lesquels ils font leurs adorations pour leur divinité. Donc pour pas qu'on leur ressemble, pour pas qu'on les imite dans leurs adorations d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh explique qu'il y a trois temps qui sont interdits. Il y a trois temps dans lesquels il est interdit de faire la salat. Le premier, c'est la salat, après la salat de l'Fajr, jusqu'à ce que le soleil s'élève au-dessus de la terre de la distance d'une lance quand elle est plantée sur le sol. On va voir les détails de ça plus tard. Donc quand le soleil commence à s'élever un petit peu, donc là ça veut dire de l'aube, la prière de l'aube, jusqu'à ce que le soleil commence à se lever un peu au-dessus de l'horizon, là après ça tu peux prier. Le deuxième temps qui est, dans lequel il est interdit de prier, c'est le temps avant la fin du zénith. Le zénith, c'est le moment où le soleil est à son point le plus élevé dans le ciel, vers midi. Ok. Donc, après le lever de soleil, le soleil se lève, donc il arrive à une certaine hauteur. À partir de ce moment-là, tu peux prier jusqu'à ce que le soleil approche le zénith. Quand il arrive au zénith, à ce moment-là, ton ombre elle commence à disparaître. Quand le soleil arrive à cette hauteur là, à ce moment là c'est pas permis de faire des prières jusqu'à ce que le soleil dépasse le zénith et que le dhuhr commence. C'est là que le dhuhr commence. Quand il commence à redescendre de l'autre côté, à partir de ce moment là tu peux commencer à prier. C'est le temps de dhuhr qui rentre. D'accord? Donc le deuxième temps qui est interdit de prier, c'est avant la fin du zénith. Jusqu'à ce que le soleil commence à descendre de l'autre côté. Et le troisième temps, c'est après la prière de Asr, jusqu'au coucher du soleil. Et le cheikh Abdul Ghani Al-Maqdisi, l'auteur de Umdatul Ahkam, il a cité dans ce chapitre quelques hadiths, on va les lire ensemble. Le hadith 52. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qal shahida indi rijalun مرضيون وأرضاهم عندي عمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، حتى تغرب. يعني أخرج رواه البخاري ومسلم وما في معناه من الحديث. Donc le hadith 52, il dit, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit, des gens dont je suis, des gens que nous agréons, hein, qui sont agréés par Allah et par son messager, et le plus agréé d'entre eux pour moi est Omar, hein, il a dit donc qu'ils ont, ils sont venus chez moi, et il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit la prière après l'aube jusqu'à ce que le soleil se lève, et après l'asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et il y a d'autres hadiths dans ce sens là aussi. Le hadith suivant, c'est le hadith 53, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. رواه البخاري ومسلم. Donc ça, c'est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne doit pas y avoir de salat après la prière de subh jusqu'à ce que le soleil se lève, ni de salat après la prière de asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Et il dit, il y a une note de bas de page ici, il dit هذا اللفظ للبخاري وأما لفظ مسلم فهو بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ورواية البخاري محمولة على هذه، فلو ذكر المصنف رواية مسلم كان أولى. En tout cas, il mentionne qu'il y a une autre narration de l'imam Muslim, et c'est dans le même sens que ça. Et il dit ensuite وقال المصنف في هذا في الباب وليست الأحاديث كل هؤلاء في الصحيحين كما قد وهم المصنف فقد اتفق على حديثي ابن عمر وأبي هريرة وانفرد مسلم بحديثي عائشة وعمر ابن عبسة وأخرج الطبراني أحاديث ابن العاص وكعب ابن مرة وأخرج الطحاوي حديث سمرة. Donc il y a plusieurs hadiths qui ne sont pas rapportés nécessairement par Al-Bukhari et Muslim, qui sont rapportés aussi par d'autres dans ce chapitre-là, à ce sujet-là, l'interdiction de la prière dans certains temps de la journée. Et le Cheikh, il dit وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي. Donc il veut dire qu'il y a beaucoup d'autres hadiths qui ont été rapportés dans ce sens-là par différents sahabi et d'autres narrateurs. Ensuite, il dit المعنى الإجمالي للحديث في هذين الحديثين النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصلاة الصبح حتى تشرق الشمس حتى تشرق الشمس وترتفع في النظر في نظر العين قدر طول رمح أي ما يقرب من ثلاثة أمتار، ونهى أيضا عن الصلاة بعد الصلاة العصر حتى تغيب الشمس، لأن في الصلاة في هذين الوقتين تشبها بالمشركين الذين يعبدونها عند طلوع الشمس وغروبها، وقد نهينا عن مشابهتهم في عبادتهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم. Donc le sens général de ces deux hadiths, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier après la prière de Subh jusqu'à ce que le soleil commence à s'élever un peu, et il a donné la distance d'une lance, et il a dit c'est à peu près 3 mètres. Donc lorsque le soleil dépasse une distance de 3 mètres de l'horizon, dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, on peut recommencer à faire des nawafil. Et il dit que il a également interdit de prier après Salat al-Asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Il dit parce que dans la Salat, dans ces deux temps-là, c'est-à-dire entre le Fajr et le lever de soleil, et après le Asr jusqu'au coucher de soleil, c'est les temps, les deux temps dans lesquels les idolâtres et les mushrikin, ceux qui adorent d'autres que Allah, adorent leur divinité et leurs idoles. Et des fois, ils adorent aussi le soleil. Donc, pour éviter justement qu'il y ait une ressemblance et une imitation des musulmans vis-à-vis de ces mushrikin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que les musulmans adorent dans ces temps-là, dans ces deux temps-là. Et le cheikh, il explique qu'on a été donc interdit de leur ressembler et de les imiter dans leurs adorations, parce que celui qui imite un peuple est un des leurs. Donc ça c'est important. Puis le cheikh il explique, il dit ikhtilaf al-ulama. Donc là il va parler des divergences à ce sujet. Je ne sais pas si on aura le temps de les lire toutes. Parce que la salat c'est dans 10 minutes. Donc je pense que le mieux ce serait qu'on s'arrête ici, puis demain on lira inshallah les divergences des ulama. Inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.